Les étudiants coréens livrent dynamiquement des activités de cercles de recherche scientifique pour ainsi remporter des réalisations. Les étudiants des grandes écoles de tout le pays, comme l'université Kim Il-sung, ont mis au point cette année beaucoup de projets permettant de contribuer à l'édification d'une puissance économique et à l'amélioration de la vie de la population. Plus de 160 réalisations scientifiques sont introduites dans la pratique.